Alberto Anaya Gutiérrez, dirigeant national du Parti ouvrier mexicain, a fait parvenir le 7 courant un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Le destinataire y a indiqué que le président fondateur du Parti du Travail de Corée et de la République populaire démocratique de Corée est le grand penseur et théoricien qui a fondé les études justes et les a développées en guide de l'époque d'indépendance, éclairant la voie de l'édification d'une société nouvelle. Il a souhaité sincèrement au dirigeant suprême coréen qui conduit à la victoire le Parti du Travail de Corée et la République populaire démocratique de Corée de plus grands succès dans son noble travail.